Jeune Padawan, tu n'es pas prêt pour ça. Jeune Padawan, RODK Soprano, tu n'es pas prêt pour ça. Allez, allez, oust, en bas de nos poupées, tu peux y voir un carré. Joues et tout comme des agneaux, wesh, les gars, fais pas les ouf. On attire les critiques, des titulaires du port de douche. Quand on rappe, ça fait mouche. Allez, allez, allez, oust. Venu pour imposer mes marques, c'est RODK, je sais que t'es gars, des coups. Gros, j'ai beaucoup de vibes et beaucoup de phases, un flow qui peut casser des mouches. Moi, c'est Soprano Baba, le mec des psychiatres, t'as brûlé les bacs. Te prouver qu'un Marseillais a tout ce qu'il faut poteau pour que tout le monde se couche. Tout le monde est à terre, je reprends les affaires avant que le temps ne s'écoule. Oui, mais un petit conseil à tous ces rappeurs qui rêvent. Que notre bise c'est cool. T'inquiète, on est toujours au rendez-vous. Le style est toujours dans le coup. Les jaloux m'agressent, il faut que j'encaisse. Vu qu'on ne cesse de prendre des coups. Aucune caca, mais on ne peut canaliser tous nos flots de bas. Rapide comme le Jamaïcain de copains, t'as fait te péter les flashs. Ils veulent m'placer, m'attaquer. Pendant tout ce temps, je me tape des bah. Ils veulent m'placer, m'attaquer pour que je ne puisse plus faire de cash. Je les vois hésiter, m'éviter parce que j'ai le style et les idées. Large. Dis-moi pourquoi t'es précipité quand tu sais qu'on a déjà pris le large. Mais t'inquiète pas, pas besoin de leur aide pour découper des têtes et pour prôner les rênes. Ramener au bien de nos pères et nos mères. Donc allez, allez, oust. En bas de nos poupées, tu peux y voir un carré. Joues et tout comme des agneaux, wesh, les gars, fais pas les ouf. On attire les critiques, des titulaires du port de douche. Quand on rappe, ça fait mouche. Allez, allez, allez, oust. En bas de nos poupées, tu peux y voir un carré. Joues et tout comme des agneaux, wesh, les gars, fais pas les ouf. On attire les critiques, des titulaires du port de douche. Quand on rappe, ça fait mouche. Allez, allez, allez, mouche. Rapale de rime, tu connais, je suis loin de faire du rap et du coré. Je te parle de peine de fermer des plaies de mes frères. Sur l'île de Gorée, oui c'est bien tout ça que cache nos projets. Toi si tu pensais que pour moi c'était dead, sache que c'est bête mon gars, je te répète que là tu t'es trompé. Au beau milieu de leur rap pour rap, j'attache à tes hippies pourra. A chaque fois que je rappe le courage de ces hommes qui ont changé le monde. J'ai changé la donne avec la diaspora. Loin de ces rappeurs qui rappent à la Dora. Qui me donnait l'impression de rapper qu'avec les couettes de Inga Zolora. Moral est beaucoup plus scopé, mon rap ne fait que les choquer. C'est développer les mots, les flots, demander mérite beaucoup plus de trophées. Sopra, j'arrive de topé, et toi? J'suis venu défoncer toutes les portes à l'heure où les choses se corsent. C'est pas que sur l'île de beauté. Si j'avais eu le pouvoir de Nakamura, je serais parti revivre les freestyles de Il Boubalino Lera. Ne vois-tu pas arriver l'orage à chaque fois que je les molarde. Sur la face des phases à rafale qui parle à la masse. Donc dégage. Allez, allez, oust. En bas de nos poupées, tu peux y voir un carré. Joues et tout comme des agneaux, wesh, les gars, fais pas les ouf. On attire les critiques, des titulaires du port de douche. Quand on rappe, ça fait mouche. Allez, allez, allez, oust. En bas de nos poupées, tu peux y voir un carré. Joues et tout comme des agneaux, wesh, les gars, fais pas les ouf. On attire les critiques, des titulaires du port de douche. Quand on rappe, ça fait mouche. Allez, allez, allez, mouche. Et mec, que tu nous connais, venu pour toutes tes gommes. On tire vis de sommet. Allez, allez, oust. Un flow qui fait décoller pour tous les frères isolés. Un son pour vous épauler. Allez, allez, oust. Et mec, que tu nous connais, venu pour toutes tes gommes. On tire vis de sommet. Allez, allez, oust. Un flow qui fait décoller pour tous les frères isolés. Un son pour vous épauler. Allez, allez, allez.